Pourquoi placer les enfants dans des salles d'asile? Avant les écoles maternelles, fondées entre 1881 et 1887, les enfants de 2 à 6 ans furent accueillis dans des salles d'asile. Placés sous la direction d'un comité des dames et financés par la charité privée et les municipalités, les premières d'entre elles furent inaugurées à Paris sous la Restauration. En 1837, on en comptait 260 qui accueillaient 30 000 jeunes enfants. Le fait que ces établissements aient été tenus par des dames patronesses a été perçu comme une forme de domination des classes dominantes sur les classes dominées. Pourtant, comme dans toutes les actions collectives qui se donnent une finalité morale et sociale, les motivations des acteurs et des actrices étaient diverses et parfois contradictoires. Des recherches récentes ont montré que ces dames patronesses avaient été, à leur manière, des pionnières et que leur militantisme philanthropique avait eu une fonction émancipatrice. L'une des raisons majeures de leur dévouement résulta de la découverte de la petite enfance au sein des classes aisées. Auparavant, le jeune enfant était considéré comme un petit animal fragile, maladroit, ignorant, qu'on pouvait abandonner à ses instincts. Dans les premières décennies du XIXe siècle, les médecins et les pédagogues commencèrent à valoriser davantage la période de 2 à 6 ans. Ce qui eut des répercussions au sein des familles aisées. Des mères aimantes décidèrent de s'occuper elles-mêmes de l'éducation de leur progéniture en la retirant aux domestiques qui en étaient les gardiens habituels. Les plus concernées d'entre elles se mirent à tenir un journal d'observation dans lequel elles notaient les menus épisodes du développement physique, moral et intellectuel de leur enfant. Beaucoup de promoteurs des salles d'asile étaient issus des familles ayant placé ces bambins au centre de leurs préoccupations. Cela n'empêche pas que cet intérêt pour la petite enfance fut aussi encouragé et financé par des patrons d'industrie, gros utilisateurs de main-d'œuvre féminine, soucieux de voir les mères débarrassées du problème de la garde de leur progéniture. Le mouvement fut également soutenu par des notables favorables à la moralisation précoce des classes populaires et par les congrégations religieuses qui cherchaient à étendre la clientèle de leurs écoles. Sur ce dernier point, le succès fut presque total, puisqu'en 1880, à la veille de la création des écoles maternelles, les trois quarts des 5000 salles d'asile étaient dirigées par des religieuses. On comprend pourquoi les dirigeants de la Troisième République, qui combattaient l'emprise de l'Église catholique sur le système scolaire, s'efforcèrent de discréditer les salles d'asile, présentées comme des lieux de dressage et d'endoctrinement, ne respectant pas la dignité des enfants. Pourtant, même si les nouvelles écoles maternelles innovèrent en introduisant des jeux et des exercices physiques, c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que l'école maternelle acquit sa véritable originalité. Alors que jusque-là, elle s'occupait surtout des enfants des familles nécessiteuses, à partir des années 1950, elle accueillit également ceux des familles aisées, jusqu'alors favorables à la prime éducation à la maison.